Donc, je m'appelle Nicole Lajmi-Granet. Je suis conservateur à la Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille, au service commun de documentation, pas très loin d'ici, à Aix. Et je m'occupe des collections d'histoire. Je m'occupe des collections des langues, littérature et civilisation moyenne-orientale. Et je m'occupe enfin du CADIST. Donc je vais dire très rapidement quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc le CADIST, c'est un département, ça dépend des collections d'histoire, c'est un CADIST d'histoire. C'est un CADIST qui est sur un sujet historique assez précis, puisqu'il a une double thématique. Il est relatif à l'histoire de la colonisation française et à l'histoire de l'Orient méditerranéen à l'époque ottomane. Donc nous partageons l'histoire. Alors les CADIST, le CADIST c'est un réseau. Hein, c'est un réseau qui est en complète réforme actuellement. Alors c'était un réseau qui regroupait un certain nombre de bibliothèques, de grands établissements, pour couvrir à peu près l'ensemble du champ des disciplines enseignées à l'université. En particulier au niveau du CADIST d'histoire, ben nous sommes un CADIST vraiment spécialisé, mais il y a le CADIST d'histoire de l'Antiquité grecque qui est à Athènes, le CADIST d'histoire de l'Antiquité romaine, le CADIST d'histoire du Moyen-Âge, le CADIST d'histoire moderne qui est à la Sorbonne. Le CADIST d'histoire du Moyen-Âge, mais le Haut Moyen-Âge, qui est à la Bibliothèque universitaire de Poitiers. Le CADIST d'histoire du XIXe siècle, qui est à la Bibliothèque de Caen. Et enfin, à la BDIC, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, il y a un CADIST d'histoire contemporaine qui couvre la période 1918-1900, enfin, le XXe siècle. Et qui est axé plutôt sur les relations internationales, les conflits, etc. Le CADIST d'Aix, pour en revenir et très rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder. Donc, c'est un CADIST qui a été créé en 1983. Ses points forts, donc, il acquiert des documents en français et en langue étrangère. Depuis le début, ce sont des documents papier, monographie et périodique. Et les points forts du fonds sont à la fois géographiques et thématiques. Alors, géographique, très rapidement, donc, c'est l'histoire du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, des Antilles-Guyane, de la Nouvelle-France, de la Louisiane, de l'Asie du Sud-Est, des îles de l'océan Indien. Ça, c'est pour l'aspect colonisation. L'histoire de l'Empire ottoman. Turquie, Balkans, Moyen-Orient, Maghreb avant la colonisation, mais aussi il y a des thèmes plus transversaux, je dirais, hein, l'histoire comparée de la colonisation européenne, parce que ça, dès le départ, les chercheurs nous avaient bien dit que c'était quand même intéressant pour eux, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des missions et les récits de voyage, hein. Donc actuellement, nous avons à peu près 16 000 documents qui sont dans une salle à la BU, donc je pense que certains la connaissent. Donc, jusqu'à présent, ces CADIST avaient pour mission de collecter les documents imprimés et éventuellement essayer de collecter un peu de littérature grise aussi, même si c'est pas facile, d'une façon relativement exhaustive. Hein. Bon, tout ça est en complète transformation depuis, disons, 2-3 ans. Hein. Alors, en liaison justement avec le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'explosion du numérique et des ressources électroniques, qui fait que dans certaines disciplines, en particulier les disciplines scientifiques, ben les chercheurs n'ont plus du tout besoin du papier, tout se passe sur Internet, des articles en ligne, tout se passe en ligne. Alors nous avons eu plusieurs réunions au niveau national, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que tout ça c'est chapeauté par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec des crédits du ministère de l'Enseignement supérieur, fléchés chaque année, etc. Donc, il y a eu plusieurs réunions et il a été décidé de modifier tout ça. C'est-à-dire que, bon, l'aspect exhaustif a disparu. On nous a demandé d'insister davantage sur justement les ressources numériques. Et surtout, le ministère, à travers divers comités de pilotage et commissions, réfléchit actuellement à un nouveau dispositif documentaire qui s'appelle COLEX, pour collection d'excellence. Vous voyez, l'excellence est partout. Et donc, ce dispositif COLEX a vocation à prendre le relais du réseau des cadistes en l'élargissant à des opérateurs spécialisés qui travaillent en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et en l'élargissant à d'autres grands établissements documentaires français qui ne sont pas forcément membres du réseau des cadistes. Les opérateurs, c'est le centre technique du livre de l'Enseignement supérieur, qui est un centre de conservation partagé en matière d'imprimés, livres et périodiques pour l'Île-de-France. C'est l'ABES, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, en gros, hein, très gros, c'est elle qui gère le SUDOC, le catalogue collectif des bibliothèques universitaires. L'INIST, bon, vous connaissez, c'est le centre de documentation du CNRS. PERCE, qui est un centre de, une plateforme de numérisation, d'archivage de revues. Les grands établissements, c'est la Bibliothèque nationale de France, c'est la BULAC, la Bibliothèque des langues, ex-langues orientales, des centres aussi plus scientifiques, comme l'INRA, ou le ministère de la, ou le, l'IRD, les ministères, bien sûr, les ministères de la Culture, etc. Donc, les objectifs de ce nouveau réseau COLEX, d'abord, c'est de définir une politique documentaire nationale pour la recherche. Donc, c'est vraiment... l'objectif, c'est de se rapprocher de la recherche. Donc, une politique documentaire nationale en matière d'acquisition, de conservation, de valorisation des fonds et des services. Donc, ce dispositif documentaire COLEX, cadiste COLEX, conserve au premier chef encore les collections imprimées, mais en perspective avec les collections et les sources numériques. Donc, il s'agit de mutualiser des actions portant sur les collections, leur développement, la conservation partagée, en particulier des périodiques, le signalement, la valorisation scientifique, la numérisation des fonds, les services rendus aux chercheurs et en coopération au plus près de leurs besoins. Donc, les modalités pratiques de cette réforme, c'est d'abord, mais ça c'est encore en cours, établir une cartographie des collections au niveau national et labelliser des collections d'excellence. Non, ça on ne sait pas encore trop suivant quels critères. De repenser aussi le dispositif de fourniture à distance des documents, ça c'est le PEB, le prêt entre bibliothèques, de s'appuyer sur PERCE, donc la plateforme d'archivage des revues, pour l'organisation des programmes de numérisation, de corpus patrimoniaux, documentaires ou de revues, et comme plateforme de diffusion et d'accès en lien avec Humanum. Et enfin, étudier l'opportunité de poursuivre une politique nationale de soutien aux acquisitions documentaires telle qu'elle s'est pratiquée depuis le début des années 1980, dans la continuité du dispositif des cadistes. Alors, depuis 2 ans, le système de financement a été modifié, c'est-à-dire qu'au début, nous avions une subvention pour acquérir de la documentation papier, des collections et des périodiques. Depuis 2 ans, la subvention a été diminuée légèrement, puis diminuée de moitié. Et en complément, nous avons eu des possibilités, par appel à projet, de bénéficier de subventions annuelles aussi. Donc, en ce qui nous concerne à Aix, on a fait un premier appel à projet l'année dernière en collaboration avec une enseignante, une maîtresse de conférence en civilisation ottomane, et qui est en cours actuellement parce qu'il a été financé sur 2015, mais la réalisation c'est en 2016, qui a consisté à signaler au catalogue, et en particulier au SUDOC, un fonds que nous avions en langue turque. D'ailleurs, c'était le fonds de l'ancien département d'études moyennes orientales, la section des Turcs, qui était resté depuis quelques années, qui n'était pas catalogué, parce qu'on avait catalogué la partie en français et en anglais, mais pas la partie en langue turque. Donc actuellement, on est en train de trier, cataloguer pour qu'il soit signalé au SUDOC, se font. Donc, dans Juliette Dumas, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est relativement nouvelle. Elle nous avait indiqué qu'il était quand même assez intéressant parce que ce sont des collections de littérature et de d'histoire qui portent sur la fin de l'Empire ottoman, le début de la prise de enfin, le pouvoir de Mustafa Kemal. Et ça, c'était intéressant. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et alors, pour cette année, il y a eu un nouvel appel à projet du ministère. Mais alors là, très dirigiste, parce que l'année dernière, on avait le choix, on était libre concernant la soumission du projet. Cette année, c'est un petit peu plus dirigé, dans la mesure où on a reçu, c'est tout à fait récent, là je vous en livre la primeur, il y a une quinzaine de jours, on a reçu un courrier du ministère nous disant qu'on pouvait acquérir, dans la limite d'une certaine somme proportionnelle à notre subvention, des bases de données, de sources, à des ressources numériques. Hein. Alors, à l'achat, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pérenne, hein, et en collaboration avec d'autres institutions, de façon à ce que ce ne soit pas un accès purement local, mais un accès élargi, voire national, enfin élargi. Hein. Donc, voilà, je sais que je vais en parler avec Olivier Dubois, puisque j'en ai parlé la semaine dernière. Là, vraiment, on est au cœur de, on va pouvoir en débattre après, mais au cœur de, vraiment des humanités numériques, puisque c'est... J'en ai discuté parce que j'étais en mission justement la semaine dernière à la BDIC, avec les collègues de la BDIC et des collègues de la BULAC d'ailleurs. Donc il y a une société qui nous a proposé une base de données, ce sont des sources, des archives, sur la colonisation européenne de 1900 à 1930, en France, en Italie, en Portugal, en Allemagne, etc. Alors, ce sont des sources, des documents d'archives numérisés par les Américains. Voilà. Donc, il se trouve que la BDIC est intéressée, puisque ça rentre quand même dans son cadre de recherche. Donc, on va essayer de monter un projet commun avec, donc, AMU, Aix-Marseille, l'AMSH, puisque vous aurez l'accès si ça marche. Et puis, donc, on a demandé, c'est tout récent, c'est hier, un devis qui, pour nous, est relativement raisonnable. Et surtout un test. Donc le test, je vais le diffuser aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, historiens, et puis d'ici et de l'université. Et en fonction de ce que ça donnera, ben, on pourra éventuellement acquérir cette base en collaboration avec la BDIC. Donc on soumettra le devis au ministère, et c'est lui qui, en dernier ressort, donnera son accord.